Vous percevez sans doute maintenant le grondissement des moteurs en surimpression sur les acclamations. Je vois cette foule, des bras qui s'agitent, des baisers qui fusent, qui sont portés au bout des doigts vers l'appareil. Voici l'appareil qui arrive sur l'aire de stationnement. Les personnalités qui se précipitent avant même que l'appareil soit arrêté, que les hélices soient calées. Il y a comme une sorte de détente sur le terrain qui correspond à cette dernière minute d'attente, à cette ultime minute d'attente en cette journée historique du 16 novembre. La porte vient de s'ouvrir. Voici maintenant les premières personnalités qui descendent de l'avion. Et voici Sa Majesté dans une longue djellaba grise. Sa Majesté Sidi Mohamed Ben Youssef, minute historique, qui reprend contact sous les acclamations avec le sol chérifien. En février 1956, quelques jours avant l'indépendance du royaume, qui sera d'ailleurs effective le 3 mars, le futur Mohamed V précise sa conception de l'indépendance et la nature des relations à venir avec l'ex-puissance coloniale. Nous écoutons son discours, traduit en français par son fils Moulay Hassan, qui lui succédera en 1961 sous le nom d'Hassan II.